Chapitre 8e. La paix avec Louisa. Pour me faire pardonner d'être rentré assez tard hier, même si je n'étais pas loin, j'ai promis à Gigi de m'occuper de tout dans la maison aujourd'hui. Notre femme de ménage étant en congé dans sa famille tunisienne, me voilà transformé en bobonne au foyer, chiffon dans une main, aspirateur dans l'autre. Finalement, je ne me débrouille pas trop mal, optimisant la tâche au maximum, rangeant d'une main pendant que l'autre actionne le manche de l'aspi. Je fais tout en même temps, en un même lieu, ce qui m'évite de déplacer l'aspi et de le changer de prise de courant. Bref, je fais un boulot de femme, mais à la manière rationnelle d'un homme. Je sens d'ici les foudres féministes me vouer aux gémonies. Ah, on sonne. Malgré le bruit du tornado, j'ai entendu. Juste devant le perron trône une splendide Kawasaki 1000 penchée sur sa béquille, flambant neuve. Personne à côté. Soudain, de la gauche de la porte surgit un gonze bardé de cuir, casqué intégralement de noir. Oh, la peur! Passer dans l'au-delà avec mon chiffon à poussière pour faire le ménage chez Saint-Pierre. Je me tourne pour me précipiter à l'intérieur chercher une arme. L'homme m'agrippe alors par l'épaule. « Ne fais pas le con, c'est moi, Serge !» L'homme retire son casque intégral et je découvre effectivement la bouille hilar de Serge. « Ah, t'es fier de toi, hein, couillon ? J'ai failli attraper un infarctus !»« Oh, tu veux pas t'engager pour ça, non ? Si tu traques autant, c'est que tu ne dois pas avoir la conscience tranquille. Moi qui voulais te faire une surprise. »« Ah, comme surprise !»« Alors, ça y est ?» dis-je en désignant la bécane. Tu fais partie du peuple qui remonte le Gourlioto de l'autre côté de la bande blanche et qui prend les trottoirs pour des contre-allées. Bravo. Pour un représentant de l'ordre, bel exemple. Arrête, vieil aigri. Je ne fais pas ça, moi. Mais si tu savais le plaisir que ça peut procurer, tu te sens libre. J'ai des fois l'impression que je vole sur la route. Ouais, eh ben ne vole pas trop, parce que la Timone, le centre hospitalier de Marseille, fait un bon terrain d'atterrissage. Et qu'est-ce qu'elle en dit, Sylvia ? Tu la connais aussi bien que moi. Qu'est-ce que tu crois qu'elle a dit ? Bon, n'oublie pas que t'as aussi un gosse. Allons, ne fais pas trop le mariole. Oh, c'est fini la leçon, papa. Ouais. Allez, entre, bestias, que je te fasse un café. N'aie pas peur, ta belle ne va pas s'envoler. Assis au salon, je demande à Serge s'il n'est venu que pour me montrer sa moto. Non. Je viens de Martigues, pour l'enquête sur le meurtre du Roumain. Je suis passé par les Ventrons et Saint-Julien, avec la bécane. Je me suis régalé. Au fait, tu sais qu'on a finalement serré le meurtrier. Comment, déjà ? Bah, tu sais, une Honda jaune canari, ça se remarque. C'est mécano du Gourlioto qui nous a rencardés discrètement. Nous avons entendu que le mec vienne récupérer sa moto peinte en noir. On l'a suivi, enfin, surtout moi. Il n'y a eu qu'à le cueillir à destination. Et l'avouer ? Oui, en échange d'un petit deal. Figure-toi que c'est une bande d'Algériens qui a commandité le crime. Ils se sont mis dans la tête de faire main basse sur tout le business de la pièce d'occasion et ils pratiquent le nettoyage par le vide. Alors, c'est peut-être le même tueur qui a eu les deux Serbes ? Serge repose violemment sa tasse sur la table en faisant gicler la cuillère. « Non, ce n'est pas lui, » dit-il d'un ton glacial. « Je sens que j'étais trop loin. Je garde un moment le silence en remuant mon café. « Excuse-moi, Serge, je voudrais pas que tu t'encagnes. Ouais, il vaudrait mieux pas. Toi aussi, fais attention à toi. » Ne vole pas trop non plus, car plus dure sera la chute. Capisci ? Ah, quand Serge emploie mon dialecte, c'est qu'il ne fait pas seulement appel à mon intellect, mais à ce que j'ai de plus profond. Si, Capisco, je te demande pardon. Allez, laisse tomber, dit-il en reprenant le sourire. Et ton affaire de voisin, où ça en est ? Où, c'est compliqué, on tourne autour de la vérité. Mais il a dû y avoir un troisième protagoniste, c'est presque certain. Je me demande si je n'aurais pas fait mieux de fermer ma gueule et de laisser faire le cours normal des choses. Ouais, comme je l'ai fait, insinue Serge. Un peu ému, je me lève et lui fourrage sa tignasse, comme quand il était jeune inspecteur. C'est mon geste à moi pour lui dire que je l'aime bien. Allez, fait-il en se levant brusquement. On s'attendrit là, il faut que j'y aille. Sur le pas de la porte, en me faisant la bise, il me glisse à l'oreille. Fais attention à toi. Je n'arrive pas à avoir d'infos sur ces Serbes. Ils n'ont ni Dieu ni maître. En partant, il fait rugir son moulin et crisser la roue arrière dans le gravier. En le regardant s'éloigner, je prie intérieurement pour qu'il ne lui arrive rien. Avec Gilda et ma fille, Serge et Sylvia sont ma seule famille. Allez, secouons-nous. Ce soir, nous recevons la belle-mère avec son mari, mon copain Louis. J'ai prévu un plateau d'huîtres et d'oursins, si j'en trouve. vu la météo de ces derniers jours, et un loup pourçon chacun, accompagné de fenouilles braisées. En sortant de mon portail en voiture, je dépasse Louisa, un cabas sous le bras. Galant, je m'arrête à sa hauteur. « Vous allez faire les courses ?»« J'y vais aussi. Je vous amène ?»« Oh bah oui, tiens, ça me fera gagner du temps. »« Moi, je vais au poissonnier et au primeur. »« Ben, moi aussi. » »« On peut faire les courses ensemble, alors, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. » »« D'accord, surtout si vous me ramenez. » Arrivé sur l'avenue de la Côte Bleue, voie principale de Saussay, je fais l'effort d'engager la conversation. « Alors, les gendarmes vous laissent tranquille maintenant ?»« Ouais. Ils ont intérêt à le faire, sinon je décampe sans laisser d'adresse. » »« C'est surtout à cause de vous que j'ai été dans la merde. Passez-moi l'expression, » dit-elle d'un ton aigre. « Ça, je ne peux pas nier le contraire. Mais à mes yeux, vous n'étiez pas suspecte. Ou, disons, pas plus que Barthes lui-même. Il s'est bien débrouillé d'ailleurs, et en partie grâce à vous. » « Pourquoi grâce à moi ? Parce que vous n'avez pas essayé de l'enfoncer, et que vous avez toujours corroboré ses dires. Entre nous, c'est un sale con. Je reste parce qu'il continue à bien me payer et me fout une paix royale. Il est impossible d'avoir une conversation suivie avec lui. Je n'ai pas fait l'université, mais lui alors, il est totalement inculte. Avec sa femme, au moins, on pouvait parler d'autre chose que de la pluie et du beau temps. Mais avec lui, à moins qu'il ne puisse pas me saquer. Non, je ne crois pas que ça vienne de ça. » Avec moi aussi, les échanges se limitent aux choses les plus usuelles du quotidien, genre « t'as fait une bonne pêche, tu bois un pastis, ta bagnole fume au démarrage ». Voilà le genre de truc que j'échange avec lui. Il n'y a que la chasse et la pêche qui l'intéressent, pour le reste, niente. Je me demande toujours s'il n'est pas un peu limité du carafon, ou si c'est dans sa nature d'être renfermé. Bof, de toute façon, on s'en fout. Bien dit. Arrivé au centre du village, je trouve une place près du banc public bleu-blanc-rouge du Sénat, curiosité saucétoise. Nous nous dirigeons de concert vers les commerces. Certains, nous voyant marcher côte à côte, nous glissent une œillade fielleuse ou narquoise. Qu'est-ce que les gens peuvent être cons tout de même ? À partir d'une simple image, ils te font tout un film. La boulangère m'adresse un regard appuyé du genre « t'as pas honte, vieux salaud ?» Idem chez la primeuriste, qui en me regardant droit dans les yeux, glisse à Louisa. Et pour la petite dame, qu'est-ce que ce sera ? De retour dans la voiture, il me vient soudain une idée. « Louisa, vous avez toujours vos parents ?»« Ma mère seulement. Mon père est mort assassiné, » répond-elle d'un ton neutre, tout en regardant droit devant elle. « Ah, désolé, je ne savais pas. Ce n'est pas grave. Vous êtes né près de Saint-Gaudens, je crois. Votre mère y habite toujours ?» Elle se tourne d'un bloc vers moi. « Et comment vous savez que je suis né à Saint-Gaudens ? » demande-t-elle d'un ton aigre. « Parce que j'ai entendu la juge vous le demander. » « Ah, vous avez entendu le reste aussi ?»« Oui, surtout le fouille-merde. Mais ça ne m'a pas vexé. À votre place, j'aurais réagi de la même façon. »« Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a avec ma mère ?»« Eh ben voilà. Nous allons passer Noël à Biarritz avec ma belle-mère et son mari, mon ami Louis. Je ne vous propose pas de vous amener parce que nous serons cinq dans la voiture avec Lisa. Mais si vous voulez, nous pouvons porter un cadeau, un colis ou n'importe quoi à votre mère. » Elle pourra peut-être nous confier un paquet pour vous, si vous la prévenez à temps. Nous passons par là, et ce sera bien volontiers, si on peut vous rendre service. « Ah, » fait-elle en se détendant, « je savais bien que vous n'étiez pas complètement mauvais. Écoutez, d'accord, je vais réfléchir, et je vous préviendrai, c'est sympa. »« Sacré Louisa, va, » dis-je en riant, et au miracle, elle se mit à rire à son tour. Je ne savais pas qu'elle en était capable, et que ça la rendait aussi jolie. Arrivé en vue de l'entrée de ma villa, je remarque devant mon portillon un couple qui essaie visiblement de voir par-dessus le mur d'enceinte. Je ralentis, puis stoppe la voiture à une centaine de mètres. Tout à coup, dans un éclair, je reconnais la fille qui faisait la manche au carrefour, l'habitante de l'estafette du tonton. Oh, fan de pied ! Je fais marche arrière et engage la bagnole dans une petite allée transversale. « Mais qu'est-ce que vous faites ? » interroge Louisa. « T'inquiète, » dis-je, la tutoyant sous le coup de l'émotion. « Tu vas descendre et rentrer à pied. Je te porterai les paniers plus tard. Si les gens devant mon portail te demandent où je suis, tu dis que je suis parti. » « Mais qu'est-ce que c'est encore que cet engambi ? » ?»« Je vous en prie, Louise, faites ce que je vous demande, » dis-je d'un ton suppliant. « Je vous expliquerai après. » « Ah, je vois que monsieur n'est pas blanc-bleu non plus. Finalement, vous me plaisez bien, » fait-elle en claquant la portière. Je gare la voiture le long d'une haie et vais me poster au coin de la rue. À travers les feuillages, j'arrive à distinguer mon portail. Louisa est en train de parler au couple. L'homme et la femme semblent se concerter et vont s'asseoir à même le trottoir face au portail. Mauvaise limonade. Combien de temps vont-ils pratiquer leur sitting? Je les observe un instant, mais il faut que je trouve une solution. Je retourne dans la bagnole et soudain j'ai l'idée. De mon portable, j'appelle Louis. Bonne mère, faites qu'il réponde. Allô, Louis? Bien, j'ai absolument besoin de toi. Ne passe pas devant chez moi, mais arrive par l'autre côté et engage-toi dans la dernière impasse à main droite. Tu me verras, je suis garé dans cette rue. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Rien, viens avec ta voiture et puis je t'expliquerai. Tout de suite? Oui, tout de suite, c'est important. Là-dessus, je raccroche, ne doutant pas de la promptitude de Louis qui habite à deux pas. Je vais encore jeter un œil à travers la haie. Le couple maudit est toujours là. J'ai tout de suite compris la stratégie des Serbes. Ils ont dû, grâce à un complice merdique à la préfecture, recenser les propriétaires de BMW série 5 avec leurs adresses. Une fois la maison repérée, la fille leur sert à reconnaître le mec qui se rencardait sur l'estafette et le camp de Zonar. Pas plus difficile que ça. Une fois garé, je lui file les clés de ma voiture, lui montre le couple devant le portail et lui explique le topo. Voilà les clés de la maison. Tu arrives, tu ouvres le portail et tu rentres ma bagnole dans le garage. Si le mec te demande quelque chose, tu lui dis que tu habites là et qu'il aille se faire voir ailleurs, bas. À la vue de la BMW arrivant à bonne allure, le couple a un mouvement de recul et montre son excitation. Pendant que le portail s'ouvre, le métèque tape au carreau de la voiture. Louis descend la vitre. Il en a vu d'autres et ne craint pas grand-chose. Le Serbe se tourne vers la fille qui fait non de la tête. Le couple reprend alors son chemin en direction du centre de Sausset. L'alerte est passée, mais il va falloir que je trouve une solution, sinon définitive, au moins durable. En tout cas, je constate encore une fois la pertinence du proverbe provençal « Faille d'ébène à Bertrand, t'il le rendra en cagant ». Ceci s'appliquant à la fille, bien évidemment. À moins qu'elle n'ait contrainte et forcé, ce qui est aussi fort probable. Je garde la voiture de Louis devant chez moi. Mon beau-père, puisqu'il faut l'appeler ainsi, bien que nous ayons fait l'armée ensemble, s'est servi un pastaga et le déguste en m'attendant. « Alors, ma carrel, Louis et Béarnais, tu vas m'expliquer un peu ce cinéma que tu m'as obligé à faire ?» Quand il emploie les mots de son terroir, c'est que ça va mal. Je lui explique rapidement l'affaire. J'avais repéré l'estafette du tonton dans un camp de nomades. Malheureusement, trois types se sont fait buter près de ce camp. Ils ont dû repérer ma bagnole et sont persuadés que c'est moi qui ai fait le coup. Seule la fille me connaît parce que je lui ai parlé. « Ah, tu parles à ces gens-là, toi, maintenant. Et après ?» « Je lui ai parlé parce que c'est elle qui habite l'estafette de Séraphin. Alors je voulais savoir si... Enfin, tu comprends ?»« Pas vraiment, » fait Louis, l'air très sérieux, l'œil inquisiteur. « Eh ben, je voulais savoir qui avait tabassé Séraphin à mort. Et tu as trouvé ?» me glisse-t-il doucement, en bon jésuite. « Ben non, malheureusement, » dis-je d'un ton qui ne supporte aucune répartie. Louis se lève, de toute évidence peu convaincu. Mais il me connaît, et sait que quelquefois... Il ne faut pas essayer de me comprendre. Tout en parlant à Louis, je prends conscience que la vérité est beaucoup plus simple que cela. Pas besoin d'avoir une taupe à la préfecture. Ils ont subodoré le lien entre la fille, l'estafette, le tonton et le mec qui a buté les deux Serbes, tout au moins. La logique n'est pas donnée qu'à ceux qui ont fait des études. Il suffit d'être intelligent. Ce n'est pas la bagnole qu'ils cherchent, c'est moi en personne. Ça m'apparaît clair comme de l'eau de source. Maintenant, ils sont venus me chercher là où ils savent pertinemment me trouver, car ils ont dû me filer lorsque je rendais visite au tonton. L'affaire est plus chaude que ce que je ne pensais, et je comprends mieux la mise en garde de Serge tout à l'heure. « Bon, je rentre à l'Oustaou, » fait Louis. « À ce soir, Gino. » Puis, passant la tête par la porte entrebâillée, « Et surpasse-toi, hein ? Tu reçois des hôtes de marque, ce soir. » Après ces émotions, je déjeune vite fait de 6 huîtres. À compte sur celle de ce soir, d'une demi-baguette et d'un ballon de blanc de cassis. Cet après-midi, je dois aller chez mon parrain pour mettre en ordre les papiers pour préparer la succession auprès du notaire. Taxes foncières, d'habitation, EDF, assurance et tout le toutim. Mais auparavant, un petit pénéquet s'impose. Je m'allonge sur le divan du salon après avoir tiré les rideaux. J'ai mis dans le lecteur CD le Nisi Dominus de Vivaldi, pièce de musique qui a le souverain don de m'apaiser. Je somnole pendant près de 3 quarts d'heure. Après avoir jeté un coup d'œil dans la rue en catimini pour vérifier qu'aucun mec ne me guette en planque, je sors la BMW du garage. Inutile de vous dire que je quitte le quartier relativement vite à la surprise réprobatrice d'un voisin que je croise un peu plus loin. Arrivé dans Martigues, chez le tonton, je fais 2 fois le tour du pâté de maison pour m'assurer que rien ne cloche. Dès la porte franchie, je revois encore une scène mémorable. Dans l'une de mes enquêtes, un truand avait cru nous surprendre alors que nous étions en planque chez le tonton. Il fit irruption dans l'appartement et commença à arroser le salon à coups de parabellum. La télé vola en éclats. L'aquarium explosa. Le plâtre nous tombait sur la tête. Et finalement, le tonton Séraphin lui sauta dessus, aidé de Gargan, un de mes hommes. Et le même Gargan, une force de la nature, à califourchon sur le mec, lui balançant des claques en cadence, lui sautait sur le bide pour le faire parler. Pendant que, mort de rire, tonton et moi regardions les joues du voyou enfler progressivement. Ce jour-là, nous avions eu de la chance. Pour Séraphin, cette fois, la chance a tourné, et voilà. En triant les papiers, j'ai soudain une idée. Je pourrais laisser ma BMW dans le garage de Séraphin et prendre son Audi 6. De toute façon, j'en suis l'héritier. J'aurai ainsi une chance de plus de ne pas attirer l'attention. Après avoir pris sous le bras tous les papiers qui intéressent la succession, je jette un dernier coup d'œil attristé à l'appartement. Et dire qu'il va falloir que je vide tout ça. Et si je venais habiter là pendant quelque temps, pour tromper l'ennemi? Tout en conduisant, j'essaie de ne plus penser aux idées noires qui m'assaillent. Je me concentre sur la conduite de la 6, que je trouve plus confortable que la BMW. Je mets France Musique un peu fort pour me saouler de notes. Vers 7 heures du soir, le couple des beaux-parents débarque. Louis aime bien Ribetto pour mettre la main à la pâte, glaner une recette ou donner quelques conseils. Pendant que nous ouvrons tous les deux les huîtres, il m'entreprend. « Dis-moi, pour l'affaire de ce matin, j'ai eu une idée. Pourquoi tu ne portes pas plainte pour chantage, racolage, travail forcé des enfants sur la voie publique, j'en passais des meilleurs? Ce ne sont pas les motifs de plainte qui manquent. T'obligeras la police à mettre le nez dans le camp puisqu'apparemment ils n'ont pas cherché grand-chose de ce côté-là. La meilleure défense, c'est l'attaque. Ouais, ben justement, je ne préfère pas que les flics locaux mettent leur nez là-dedans. Pour l'instant, c'est la BRB qui s'est occupée de l'affaire et l'estafette, ils connaissent pas, vu? Louis force comme un malade pour ouvrir une fine de clair récalcitrante et finit par dire à voix basse. Alors, ce matin, je ne m'étais pas trompé. Ma première impression était la bonne. C'est vrai que t'as toujours bien tiré, mon salaud. Je me concentre sur mon couteau puis finis par lui dire. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire, Louis? Manger les huîtres, mon pichou, répond-il dans un éclat de rire. Pendant le repas, nous parlons des préparatifs de notre voyage à Biarritz. Je propose d'utiliser l'Audi du tonton, histoire de la faire rouler un peu, et annonce également la proposition que j'ai faite à Louisa de passer voir sa mère. « Ah, là, tu as fait fort !» ironise Gilda. « C'est rare que tu te montres si philanthrope, surtout en faveur d'une femme. »« Oh, ça va, hein ! On a fini par faire copains tous les deux, parce que jusque-là, elle me tirait la tronche. »« Bah, forcément, tu l'as d'emblée prise pour une coupable, mets-toi à sa place !» rétorque mon épouse. « Mais, fan de pétanque, je l'ai prise pour rien du tout !» J'ai simplement soulevé le fait que la mort de Maïtena n'était pas un accident. Alors vous pensez tous que j'aurais mieux fait de fermer ma gueule, c'est ça? Mais non, ne commence pas à t'encagner. Tu pensais bien faire, mais ça a eu des conséquences, forcément. Moi, déclare Louis, je le connais moins que vous, ce Bart, mais il ne me paraît pas très clair. C'est un ours, ce type. Je trouve que son chien regarde plus intelligent que lui. Il est tout à fait possible qu'il ait fait des choses pas très nettes. On ne sait pas grand-chose de sa vie, après tout. Tu veux dire qu'en réalité, c'était lui qui était visé? Ouais. Et si c'était quelqu'un de l'extérieur qui a fait le coup, pourquoi le chien n'a-t-il pas aboyé? Oh, Pompon, c'est un taiseux. Les rares fois où je l'ai entendu aboyer, c'était la chasse, quand on vient d'abattre une bestiole. C'est un chien de chasse, pas un chien de garde. En tout cas, s'il était visé, ça n'a pas l'air de le traumatiser ni de l'inquiéter plus que ça. Je suis sûr qu'il ne croit pas à l'assassinat de sa femme. Il doit rester persuadé que c'est un accident. Si on suit ta théorie, me dit Paula, il faut s'attendre à ce que l'assassin récidive, puisqu'il a loupé sa victime la première fois. Ben ouais, ce serait logique. Mais Fred semble ne pas s'en soucier. Moi, je vous le répète, affirme Louis, ou il est un peu con sur les bords, ou il est extrêmement finaud et peut-être dangereux. Gilda commence à s'impatienter. Bon, allez, assez parlé du voisin. Qu'est-ce que vous nous avez concocté comme itinéraire pour aller à Biarritz? Montpellier, Carcassonne, Toulouse, Pau et Biarritz. La route directe, quoi, avec un petit détour du côté de Saint-Gaudens, pour aller voir la mère de Louisa. On a pensé avec Gino qu'il valait mieux qu'on dispose d'un peu plus de temps pour visiter la côte basque. Mais on va se les geler, s'étonne Gilda. Non, tu verras. Il y a quelquefois des journées formidables en cette saison. L'océan radoucit l'atmosphère. Mouais, maugrait Gilda, puisque tu le dis.